Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Et donc, c'est maintenant le moment de recevoir Sophie Laforêt pour sa chronique Stéréotonine. Bon matin, Sophie. Bon matin, Simon. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, tu viens de parler d'un groupe, mais avant tout, les sorties musicales, c'est ça? Oui, les sorties CD, on est le 13 avril. Il y avait tout d'abord un album, pour ma part, que j'attendais depuis un moment, le deuxième album de MGMT. Le premier album, Oracular, Spectacular, a bien joué à C'est fou notamment. C'était un excellent album qui est paru en 2008. Donc, un deuxième album pour MGMT. Vous pouvez télécharger un premier extrait, l'extrait Flash Delirium sur le site du groupe, si je ne m'abuse. Un excellent extrait. Sinon, vous pouvez du moins aller voir la vidéo. Et MGMT, est-ce que ça veut dire quelque chose en particulier? Ça voulait dire Management. Management, OK. Ouais. C'est bien ça. Puis sinon, Jeff Beck, que tu dois connaître. Ben oui, Jeff Beck, le grand. Qui sort un album Emotion and Commotion. Emotion and Commotion. Mais là, rendu à cet âge-là, par contre, je sais pas, ça doit être bon. Jeff Beck est un excellent guitariste, mais quand même, il y a un âge, je sais, qu'il se met à sortir des albums juste pour faire les tournées où c'est pas nécessairement le meilleur stock, mais en tout cas, j'ai hâte de voir. Peut-être qu'Alain pourra faire une critique, là. Je sais pas s'il va en parler. J'imagine qu'il risque de mentionner au moins dans le cadre de rock classique, ouais, effectivement. La sortie. Sinon, un projet spécial qui est fait en collaboration, en fait, entre David Byrne et Fatboy Slim. C'est un duo assez étonnant, avec un album qui va s'appeler Here Lies Love. Et c'est un album concept sur la vie de la première dame des Philippines qui est nommée Imelda Marcos. Oh, concept intéressant et audacieux. Audacieux, et c'est un disque double d'une durée de 90 minutes. Oh, génial. Donc, on va essayer d'écouter ça. En tout cas, moi, je suis intriguée. Je vais essayer d'écouter ça. J'aime beaucoup David Byrne. Ensuite, une nouvelle formation new-yorkaise, Fang Island, un band de Brooklyn qui est ensemble depuis 2005, mais avec un premier album éponyme qui paraît aujourd'hui. Et ils seront à Montréal vendredi, le 16 avril, à la Sala Rosa. Et pour les amateurs de Yes Ayer, vous risquez d'aimer cette formation, mais avec un côté plus rock, plus de guitare électrique. Et finalement, dernière sortie de Cinematic Orchestra avec l'album Late Night Tales. C'est une formation britannique de trip-hop électroplanant New Jazz. Oh yeah! Hey, en passant aussi, grosse nouvelle qui est parue vendredi. Retour de Godspeed You Black Emperor qui vont revenir sur scène à Londres, entre autres dans le cadre d'un festival, mais qui vont faire une tournée un peu partout en Amérique, qui lui risque également de faire un album. Ça, c'est une bonne nouvelle, justement. Est-ce que c'est de Cinematic Orchestra qui t'a fait allumer? Parce que ça ressemble un peu à ça. Ben oui, effectivement, ouais, okay. ça m'a fait allumer. J'avais lu la nouvelle, là. Il y avait un beau communiqué de presse qui était comme une vieille lettre de compagnie d'électricité. En tout cas, c'était très cool. Ah ouais, mais je savais pas. C'est une bonne nouvelle, en effet. Oui. On va surveiller ça pour vous encore une fois. Et la chronique d'aujourd'hui porte sur une formation française qui se nomme Montgomery. Formation française qui était de passage l'année dernière au FME, Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ils se sont déplacés en Amérique pour venir jouer leur musique rock-pop francophone. Et avant d'en parler, on entend une première pièce, la pièce Les Astronautes, tirée de leur premier album éponyme paru en mars 2008. On s'en va écouter ça dans le cadre de Stéréotonine. On s'appelle et on déjeune ce matin jusqu'à 9h. Où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les astronautes? Quand vont-ils rentrer? Mais je veux une place parmi les étoiles. Je veux une place parmi les étoiles. Mais pourriez-vous me dire s'il en reste de disponible? Nous les attendrons, nous les attendrons. J'espère qu'il ne leur est rien arrivé. les autres? Où sont les autres? Où sont les astronautes? Quand vont-ils rentrer? Je pense qu'il n'est pas raisonnable de partir sans moi. Emmenez-moi, je saurais me rendre utile. Je veux une place parmi les étoiles. Je veux une place parmi les étoiles. Je c'était la formation française Montgomery avec la pièce « Les astronautes » tirée de leur album éponyme qui est paru en mars 2008. Alors, moi, en fait, ça me plaît bien. Je vous dirais que sur leur premier album, la voix est un peu plus à la manière des Mano Solo et Noir Désir et Dionysos. Là, il y a quelque chose de plus français dans la voix cassée. Mais ça se perd sur le deuxième album. Ça se perd un peu plus. Côté musique, comme je vous dis, là, on a reçu les deux albums en même temps. Donc, j'ai de la difficulté encore à séparer quelle pièce vient de quel album. Parce que oui, j'écoute ça sur mon iPod. Mais en fait, ça pour vous dire que c'est un projet très intéressant pour ceux qui aiment. Des fois, ça fait penser à Carquois, une pièce. Des fois, ça fait penser à Malajube. Oui, il y a des petits côtés Carquois et Malajube, j'ai trouvé dans ça. Oui, Mille Monarques aussi, qui est une formation peut-être un peu moins connue, mais... C'est ça, comme d'une pièce à l'autre, on sent des petites, pas des influences, parce que peut-être qu'ils connaissent même pas les groupes. Quoique Carquois a le lien vers Montgomery sur leur MySpace, donc je me dis, ils se sont déjà parlé. Oh, c'est des amis. Ils se connaissent, il y a quelque chose là-dessous. Mais sinon, les pièces ont l'air simples comme ça à la première écoute, mais quand on prend vraiment la peine, justement, peut-être plus dans des écouteurs, d'entendre les pièces et non pas seulement juste les écouter. Ouais, pas juste avoir un écouteur à un côté comme moi aussi. T'sais. Ouais, aussi, ça c'est, non, ça c'est moins bon en mono. Une seule oreillette, là. Quand on écoute ça en stéréo, bref, ça a l'air simple, mais on entend plein de petites subtilités dans les arrangements, puis en fait, ça vaut la peine d'écouter ça attentivement. Et de découvrir Montgomery, qui est une formation formée depuis 2002. Et ils viennent de Rennes. Rennes, un ouais. groupe rennais. Rennais. De la France. Et bien. Et puis, donc c'est ça sur l'étiquette Naïve, qui est une étiquette de disque française, mais sont distribués par Universal. Et pour ceux qui aiment, encore une fois, s'attarder au texte, c'est des textes très poétiques, très bien faits. Vous pouvez vous rendre sur le www.myspace.com/chez Montgomery. Comme chez, comme chez lui. Là, chez C-H-E-Z. Exactement. En un seul mot? En un seul mot, ensemble. Chez Montgomery. Et pour vous donner l'eau à la bouche encore plus, pour ceux qui ont peut-être moins aimé le côté voix cassée française, on va entendre une deuxième pièce, cette fois-ci, de leur deuxième album qui se nomme Stromboli. Et ça risque de plaire justement peut-être à ceux qui aimaient moins ce côté-là de la voix cassée. On va entendre la pièce 6 bonnes raisons. Donc, 6 bonnes raisons d'écouter Montgomery. Hein? Oui, tout à fait. Donc, on s'en va entendre ça sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. C'est la chronique stérotonine de Sophie Laforêt. C'était la formation toujours française Montgomery avec la pièce 6 bonnes raisons. Et donc, je vous invite à découvrir cette formation sur leur myspace.com/chez Montgomery. Et pas de date au Québec en ce moment. Ils font une tournée en France actuellement pour le mois d'avril. C'est comme Orwell. C'est comme, pardon? Quoi? Orwell, c'est un groupe français Orwell. Également qui sonne un peu comme ça. Orwell, comme George Orwell. Ah. Et ça sonne un peu, c'est un peu semblable. On en avait passé, on en a dans la discothèque de C'est fou. J'en avais présenté il y a quelques temps. Il va falloir que t'en mettes quand je vais être là. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du Jab Jab Bar. On s'appelle et on déjeune le matin... On s'appelle et on déjeune le matin du... On s'appelle et on déjeune, c'est d'Adec. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et écutérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat, encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR.